Imaginer le monde de demain ne peut se faire sans réfléchir à ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais comment définir ce qui nous arrive? Quand la situation nous impose de tout faire pour survivre, l'heure est-elle à la pensée? Dans cette journée organisée autour du monde d'après, aujourd'hui, nous poserons une question. Que reste-t-il de la philosophie à l'épreuve du confinement et de la pandémie? Mon invité aujourd'hui est le philosophe Étienne Balibar. Et puisque les temps sont difficiles, on commence avec un autre professeur de philosophie qui en a fait une chanson. Hard times here, and everywhere you go, time is harder than ever been before. Bonjour Étienne Balibar. Bonjour Adèle Vendrette. Merci de m'avoir invité. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je précise à nos auditeurs que nous sommes, comme il se doit, chacun chez soi. Vous êtes chez vous et via Skype et je suis chez moi via téléphone. On passe par la maison de la radio, c'est la magie de la radio. Nous pouvons communiquer aujourd'hui. Formidable. Est-ce que je peux vous demander comment vous allez? Oh, bah écoutez, je vais bien. Il faudrait que je fasse un peu plus d'exercice. Mais de temps en temps, je me dis avec une certaine ironie que pour les gens qui ont l'immense privilège comme moi de toujours travailler chez eux avec à peu près tous les instruments dont ils ont besoin et qui sont pas non plus trop isolés du point de vue sentimental, disons les choses de cette façon, ce genre de situation n'est pas une catastrophe. Bon, enfin, d'un autre côté, il y a des moments où je commence à avoir envie de sortir, de voir des amis ou de parler avec mes différents interlocuteurs autrement que par l'intermédiaire de ces petites machines. We never get down the slow no more. We never get down the slow no more. Rodolphe Burger, c'était votre idée, Étienne Balibar. J'imagine que vous saviez qu'il avait été prof de philo. Oui, à la fin, ça m'a amusé que vous disiez un autre prof de philo, parce que, évidemment, j'ai beaucoup de raisons de penser que Rodolphe est le plus chanteur des philosophes et le plus philosophe des chanteurs. Il est unique en son genre sur les deux versants. Bon, et je pense pas que lui, d'ailleurs, mépriserait le qualificatif de professeur. Il a enseigné. Mais, il est passé un peu au-delà. Et justement, ça montre qu'on peut faire de la philosophie autrement qu'en enseignant, ce qui veut pas dire que l'enseignement n'en soit pas une partie importante. Bon. Mais enfin, j'avais une autre raison j'avais plusieurs raisons de vous proposer de l'écouter. Alors, je suis très content que vous ayez choisi cette musique-là, évidemment. Ça, c'est pas mon choix à moi, parce qu'elle charrie avec elle toute une constellation, on va dire, dans un langage un peu benjaminien, d'associations historiques, puisque c'est une reprise et une réinvention d'une chanson, enfin d'une musique, d'un standard de Skip James datant de 1930, c'est-à-dire de la grande crise. Et hier soir, pour meubler la soirée, ma femme et moi nous regardions Les raisins de la colère que nous n'avons pas vu depuis, que nous n'avions pas vu depuis des années et des années. C'est tout à fait prodigieux et c'est aussi le même type d'association d'idées, bien sûr. Will you hear me singing this lonesome song? You know, people at hard times could last us so long, could last us so long. Vous êtes Étienne Balibar, ancien professeur de l'Université Paris-Nanterre. Vous avez travaillé sur Spinoza, un auteur qui vous est cher, et vous avez œuvré à faire connaître le Spinoza politique, qui était moins connu que le Spinoza auteur de l'éthique. Parmi les auteurs qui ont compté pour vous, aux côtés de Spinoza, on trouve Marx, Benjamin, dont on parlera dans un instant, Arendt, Gramsci. En dehors de la philosophie, vous vous êtes à plusieurs reprises engagé politiquement. Vous intervenez régulièrement dans l'espace public pour prendre position aux côtés des sans-papiers notamment, des immigrés. Vous avez récemment signé une tribune dans Le Monde appelant à une aide d'urgence organisée par le gouvernement pour les étudiants les plus démunis souffrant de faim en période de confinement. Alors quel rôle joue la philosophie dans vos engagements politiques et plus largement, ou plus précisément, quel rôle joue la philosophie aujourd'hui face à la crise que nous sommes en train de vivre ? La réponse spéculative, facile, évidemment, c'est que la philosophie et la politique sont les deux faces d'un même discours ou d'un même effort de pensée. Bon. Et seulement, bon, alors c'est vrai depuis Platon, et puis on pourrait dire au fond que c'est vrai à travers toute l'histoire de la philosophie, ce qui ne veut pas dire que les philosophes ne font que parler de politique au sens le plus immédiat ou le plus étroit du terme, ou des objets qui sont traditionnellement considérés comme politiques, c'est-à-dire, mais il y en a beaucoup bien sûr, bon, c'est-à-dire l'État, l'économie, la société, la police, etc. Bon, mais ça veut dire qu'il y a toujours un lien secret, on pourrait dire, et déterminant en même temps entre le discours philosophique et l'engagement ou la prise de position politique. Bon, mais tout ça, ça reste quand même très très très abstrait et ça ne suffit pas à caractériser la façon particulière dont chacun des auteurs que vous avez mentionnés, nous aussi à l'occasion évidemment dans la mesure de nos moyens, nous essayons d'articuler les deux. Là, je dirais qu'il faut quand même essayer de reconstituer une sorte d'hétérogénéité. Il ne faut pas tout confondre, mais il faut se demander quelles sont les ressources propres des deux discours. Bon, et alors, évidemment, en ce moment, il y a des références qui me viennent particulièrement à l'esprit. Je sais que vous voulez qu'on parle de Benjamin, dont on en parlera après, mais il y en a une autre que je voulais mentionner, évidemment, c'est Foucault, parce que Foucault, qui a lui-même été un philosophe très engagé, bon, a proposé à plusieurs reprises à la fin de sa vie des commentaires d'un célèbre petit texte de Kant qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières, en expliquant que c'était la première fois à sa connaissance qu'un philosophe se posait en temps réel la question de savoir quelle était la caractéristique fondamentale du temps historique dans lequel il vivait, donc il était en train de vivre, et par conséquent, ce que nous devenons, ce que nous sommes en train de devenir dans le changement des temps, et comment on peut essayer, par les moyens propres de la philosophie, c'est-à-dire la pensée, si vous voulez, moi j'irais le concept, l'analyse, la réflexion, de s'y orienter. Alors, évidemment, cette idée est particulièrement intéressante en ce moment même, mais je me dis aussi qu'il faut lui ajouter un tour de complications ou lui apporter une correction supplémentaire. C'est que lorsque Foucault dit Kant se pose au moment même où les Lumières se déploient la question de savoir ce que c'est que cette nouveauté dans l'ordre de la civilisation, il pense à quelque chose comme une époque ou quelque chose comme un temps long aux caractéristiques d'une époque. Alors évidemment, on pourra dire que Marx a fait ensuite la même chose avec le capitalisme ou d'autres encore. Bon, alors qu'aujourd'hui, la situation qui nous convoque, et ça c'est très très difficile et c'est même assez périlleux, c'est une situation de crise brutale, donc c'est une situation dans laquelle on peut supposer que beaucoup de choses sont en train de changer complètement de signification ou de muter en quelque sorte, presque comme un virus, sans qu'on puisse évidemment savoir dans quelle direction, sans qu'on puisse vraiment savoir complètement dans quelle direction ça ira, et sans qu'on puisse non plus totalement repérer ce que les philosophes et les historiens appelaient les signes des temps, parce que la question porte justement sur le point de savoir ce qui est en train de se passer et quelle place nous y occupons comme citoyens ou comme penseurs. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est trop tôt? Et là, je m'adresse aux philosophes que vous êtes, et c'est vraiment l'enjeu de cette émission que je suis ravie de faire avec vous pour cette raison. Est-ce que ça veut dire qu'il est trop tôt pour commencer à formuler une pensée de ce qui est en train d'arriver? Je pense à une phrase que prononçait notamment le philosophe Althusser, qui fut votre professeur et qui l'empruntait lui-même à Bonaparte pour décrire sa méthode de travail. On s'avance et puis on voit. Est-ce que ça veut dire que l'action précède la pensée et qu'il est trop tôt en fait pour demander à la philosophie de nous aider? Alors, je ne sais pas où vous allez trouver cette référence, mais effectivement, elle est assez frappante. Beaucoup de gens qui nous entendent ou qui nous entendraient ou qui liraient tout ça auraient pour première réaction que ce type de phrase a un côté un peu délirant, pour ne pas dire paranoïaque, parce que c'est une formule qui vient de Bonaparte. Et enfin, d'après ce que je crois. Donc, c'est une façon de se fantasmer soi-même comme une sorte de, comme un général sur un champ de bataille, n'est-ce pas? Bon. Et effectivement, il y a quelque chose de très profond là-dedans qui est la référence à l'incertitude fondamentale des situations de conflit ou de crise, et par conséquent au risque, dans tous les sens du terme, bien sûr le risque de défaite, le risque de mort, le risque de catastrophe, etc., mais aussi peut-être plus profondément le risque d'erreur, qui pour un intellectuel est particulièrement grave, parce qu'on s'induit soi-même en erreur et on induit les autres en erreur, et que néanmoins il est tout à fait impossible de court-circuiter. Bon, donc à travers tout ce détour, je dirais que effectivement, oui, cette phrase me paraît pertinente, parce que, répondant à votre question, elle signifie que de toute façon, il sera toujours trop tôt, ou bien, au fond, pour qu'il ne soit pas trop tard, il faut qu'il soit trop tôt. Voilà, je dirais les choses de cette façon. Bon, et donc, le risque est absolument incontournable. Il faut le faire. Donc, il n'y a aucune raison d'attendre, mais ne pas attendre, ça veut dire aussi, je pense, et là, bon, je veux critiquer personne, mais je me mets moi-même dans le même sac. D'ailleurs, nous sommes entourés de gens qui ont forgé au cours des années, quelquefois des décennies précédentes, des instruments d'analyse de la société, de l'histoire que nous vivons, de ses contradictions, de ses inégalités, de ses injustices, etc., et qui se disent à juste titre, bon, le moment est venu d'appliquer les instruments d'analyse dont je dispose, pour ne pas dire de faire valoir à nouveau les mises en garde ou les pronostics que j'ai pu forger. Bon, alors, on voit bien que ça conduit à un risque symétrique qui est de méconnaître complètement l'incertitude de la situation actuelle. Donc, moi, je fais comme tout le monde, je me sers des instruments, j'essaie de me servir des instruments que j'ai pu élaborer ou emprunter à d'autres tout au long de ma vie, et en même temps, je me pose à chaque instant de façon aiguë la question de leur inadéquation ou la question de savoir comment il faut d'ores et déjà, et il va falloir certainement de plus en plus les transformer, peut-être radicalement. Alors je vous prends au mot, puisque justement vous parliez du concept comme étant l'outil du philosophe, et parmi les derniers volumes que vous avez publiés, les deux tomes de vos écrits, l'un s'appelle « La passion du concept » justement, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Comment faire pour appliquer des concepts à ce qui se passe? Est-ce que celui de crise, vous avez prononcé le terme, et vous paraît le plus approprié, ou de rupture? Quels sont les outils que vous convoquez là pour penser ce qui nous arrive? Bon, alors crise, ça c'est un des points les plus intéressants, parce que c'est un grand concept à la fois de la tradition médicale, de la tradition historique, de la pensée historique et de la pensée philosophique ou philosophico-politique. Bon. Donc c'est assez évident, évidemment, d'expliquer que nous sommes dans une crise. Mais les deux questions conceptuelles, si vous voulez, qui pour moi suivent immédiatement de ça, et j'avoue que je passe un peu de temps en ce moment à essayer de griffonner des petites notes sur ces deux thèmes, c'est d'une part, quel est le schème, pardon, de la pédanterie, mais quel est le schéma, si vous préférez, de succession temporelle ou d'insertion de la vie dans le temps de l'histoire et dans le temps du monde, qui est associé traditionnellement à l'idée de crise. Il y en a eu plusieurs, évidemment. Bon. Et puis l'autre, évidemment, c'est de savoir quel est le type de complexité de la crise dans laquelle apparemment nous sommes entrés. Bon, alors, je ne vais pas vous faire des dissertations, mais sur le premier point, je dirais que il y a une représentation classique de la crise qui en fait un moment d'exception. Ça veut dire que c'est l'intervalle entre deux phases de normalité. Et donc, tantôt on en a une représentation cyclique, tantôt on en a une représentation linéaire et progressive. Vous connaissez sûrement la célèbre phrase de Rousseau qui a des accents prophétiques, qu'il a écrite dans l'Émile en 1862 et qui évidemment a été citée d'innombrables fois depuis. Nous entrons ou nous voyons s'approcher le temps des crises et des révolutions. Alors ça, c'est lié encore une fois à l'idée que la crise est un moment d'exception, et c'est très évidemment, ce que nous vivons en un sens, en tout cas, le contraste avec une certaine normalité sur laquelle il faudra revenir, est parfaitement perceptible. Le seul fait que nous soyons enfermés ou que nous soyons confinés, ça a des aspects juridico-politiques, suspension de certaines libertés, ça a des aspects de vie quotidienne et d'économie sur lesquels il faudra revenir. C'est évident, nous ne sommes plus dans la normalité. Et en même temps, on voit bien que toute une partie des discours actuels consiste à essayer d'anticiper ce qui va se passer quand on reviendra à la normalité. Donc on se pose la question de savoir quand est-ce qu'on va arrêter le confinement ou à une plus grande échelle, sur une plus large échelle, qu'est-ce qui va succéder, comment va s'effectuer le retour à la normale ou même éventuellement quel type de normalité plus ou moins différent du précédent et même probablement très différent du précédent va émerger de la crise. Bon, alors ici se situe, je crois, une première difficulté, un objet de réflexion qui n'est pas propre aux philosophes, mais qui est commun aux philosophes, aux anthropologues, aux historiens, etc., qui est au fond de savoir si ce qui se passe en ce moment ne remet pas très profondément en question ce type de représentation, de schéma, si vous voulez, de normalité suivie d'exception ou de suspension ou d'interruption suivie de retour à la normale. À la limite, alors je sais bien que ça va sonner très, très, non seulement pessimiste, mais même d'une certaine façon nihiliste, pourrait se poser la question de savoir si la crise dans laquelle on est entré n'est pas une crise qui est destinée à durer indéfiniment, c'est-à-dire si elle ne constitue pas en elle-même une normalisation de l'exception. C'est une idée qui a été avancée par un certain nombre de philosophes contemporains et que je ne récuse pas, en tout cas, dans sa généralité. En tout cas, ce que je veux surtout dire à cet égard, c'est que je pense indispensable de se projeter dans l'après ou de se projeter dans l'avenir, de faire non seulement des plans, mais des prévisions ou des pronostics, de se demander quel est le genre d'alternative auquel nous allons avoir à faire face. Et en même temps, il faut en savoir plus et comprendre davantage sur ce qui fait l'actualité même, le vécu d'un côté, et puis les déterminations profondes de la crise dans laquelle nous sommes en ce moment. Bon. Alors là, ça c'est... Pardon d'être un petit peu long, mais ça nous amène au deuxième aspect. Bon, alors là aussi, on pourrait être très long, mais évidemment, l'idée générale ou la représentation générale, c'est qu'il s'agit d'une crise sanitaire. Bon. On voit bien que cette crise sanitaire ou cette crise, c'est une pandémie brutale et violente qu'on peut essayer de comparer à d'autres. Bon. Et on est tous conscients, ou tout le monde est conscient du fait qu'elle va entraîner des conséquences dont certaines seront peut-être radicales. Bon. Mais je pense que... Je ne dis pas que c'est superficiel, je ne dis pas que c'est la surface, bon, mais je pense qu'il y a d'autres aspects qui se cachent à l'intérieur, en quelque sorte comme les poupées à l'intérieur d'une marionnette, d'une poupée russe. Bon. Alors le plus évident, c'est qu'à l'intérieur de la crise sanitaire, excusez-moi, et épidémique, il y a une crise économique qui non seulement est en germe, crise économique et sociale, qui non seulement est en germe, mais probablement déjà en train de se développer, sauf que ses effets les plus graves, pour l'instant, sont suspendus. On accumule les dettes, on arrête le fonctionnement des chaînes de production, on essaie de venir en aide de façon d'ailleurs très, très, très discutable peut-être à une partie des gens qui sont frappés, etc. On se doute que les effets les plus graves se produiront peu à peu, bientôt ou dans un certain temps, et on se pose la question des comparaisons. Alors, la première comparaison dont on s'est servi, c'était la crise de 2008-2009. On s'est rapidement rendu compte que c'était pas du tout la même chose parce que c'est pas un problème purement financier. Maintenant, on en est aux comparaisons avec la crise de 29. Je parlais des raisins de la colère tout à l'heure. Ça veut dire évidemment des souffrances et des destructions sur une très grande échelle dont la société tout entière ne peut se sortir qu'à la condition de se réorganiser profondément. Bon. Et puis alors à ce moment-là, on pourrait avoir envie de s'arrêter parce que ça fait déjà beaucoup, si vous voulez. Mais moi, Je pense qu'il faut faire un petit pas de plus. Bon, c'est ça, mes petits instruments théoriques ou conceptuels dont on parlait tout à l'heure, et que ce qui n'est pas non plus absolument original, et que à l'intérieur de cette deuxième poupée s'en loge une troisième. Bon, alors je cherche le bon mot, et je suis obligé d'avouer, mais pourquoi ne pas le dire, que j'hésite. C'est-à-dire, je me dis, c'est une crise des valeurs, c'est une crise morale très très très très très profonde. C'est probablement une crise de civilisation. Il y a des moments où je me dis, c'est une crise spirituelle. Je vois pas pourquoi on n'emploierait pas ce mot qui est de toute façon chargé de sens et qui correspond à quelque chose de très important. Pourquoi spirituel? Parce que là, on parle de crise sanitaire, vous l'avez dit. Où est la crise de la spiritualité dans cette situation? Oui. Eh bien, je pense qu'elle est dans le choix qui va se présenter dans des termes éventuellement très, très radicaux, peut-être très violents, entre plusieurs systèmes de valeurs. Bon. Et ces systèmes de valeurs impliquent à la fois une représentation ou une conception de la communauté, une conception de la vie et de la mort, ou de la place de la mort dans la vie, et finalement une conception de ce que c'est que l'humanité. Une des choses les plus intéressantes pour un philosophe, je pense, ou pour quiconque réfléchit dans la situation actuelle, c'est le fait que l'idée d'humanité descend sur terre, si j'ose dire, ou l'idée d'humanité apparaît dans toute sa contradiction, à la fois comme quelque chose de très matériel. On pouvait dire que les problèmes environnementaux étaient des problèmes pour toute l'humanité, mais ils ne mettaient pas en communication de façon aussi directe et aussi dramatique chaque segment de l'humanité avec chaque autre, ce qui fait que nous ressentons que nous sommes une espèce biologique, bien sûr, comme d'autres, et peut-être on l'avait trop oublié, mais en même temps on s'aperçoit qu'à la différence de toutes les autres espèces biologiques, probablement, nous sommes celles qui a établi le système de communication le plus sophistiqué et le plus fragile entre tous les individus qu'il a constitué. Bon, et puis alors évidemment l'idée d'humanité est une idée morale, et traditionnellement c'est la religion ou ce sont les religions sécularisées, la morale laïque, etc., qui se sont chargées de nous en proposer la signification. Et je pense que cette question qui n'est jamais contournable, est en tout cas plus immédiate que jamais. Bon, et je m'attends pas du tout à ce que les prises de conscience, les réflexions, les controverses qui porteront sur cette dimension civilisationnelle ou spirituelle, si vous voulez, de la crise actuelle, soient plus faciles à trancher que celles qui vont porter sur la santé ou bien sur la société et sur l'économie. Alors, s'il y a un philosophe qui s'est beaucoup interrogé sur cette crise de la civilisation, alors tous l'ont fait sans doute à leur époque, car on n'en est pas à notre première crise civilisationnelle, loin s'en faut. Je pense notamment à Walter Benjamin, qui notamment dans ses thèses sur le concept d'histoire, met en place une réflexion qui permet d'identifier comme étant à l'origine d'une catastrophe une cause qui est assez ironique, parce que cette cause-là qu'il identifie, qu'il appelle le progrès, est brandie par d'autres comme étant ce qui pourra nous sauver. Pour en discuter, je vous propose, Étienne Balibar, qu'on écoute ce texte de Walter Benjamin, lu par Georges Claes. Il existe un tableau de clés qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré, mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir, auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. She said, what is his story? And he said, his story is an angel being blown backwards into the future. He said, his story is a pile of debris. And the angel wants to go back and fix things, to repair the things that have been broken. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Imaginez le monde d'après, c'est le thème de cette journée sur France Culture. Et aujourd'hui, en compagnie du philosophe Étienne Balibar, sur les chemins de la philosophie, on s'interroge sur le rôle de la philosophie face à cette pandémie, avec ce texte de Walter Benjamin qui présente cet ange de l'histoire, qui est un ange absolument effrayant et effrayé. Étienne Balibar, qu'est-ce qu'il nous dit, cet ange? Qui est-il? Vous savez, c'est un des textes les plus célèbres de Benjamin. Je ne sais pas quelle est la traduction que vous utilisez. Il y en a plusieurs. Moi, celle que j'ai sous les yeux, parce que naturellement, on ne va pas jouer à cache-cache avec les auditeurs. Vous m'aviez prévenu qu'on en parlerait à un moment donné. Bon, donc celle que j'ai sous les yeux, c'est celle qui a été en partie refaite et insérée par Michael Levy dans ce merveilleux commentaire de l'ensemble des thèses sur le concept d'histoire. Il s'appelle Walter Benjamin, Avertissement d'incendie. Je fais un petit peu de ce qui est un très beau titre en plus. Bon. Oui, un titre magnifique. Oui. Bon, et qui se réfère à un passage du texte, bien sûr. Bon, alors cette thèse, qui est la neuvième du texte de Benjamin, rappelons aux auditeurs qu'ils ne sauraient pas, mais on n'est pas obligé de tout savoir que c'est ces textes fulgurants qui représentent à peu près 5 ou 6 feuillets, n'est-ce pas, d'impression, ont été rédigés par Benjamin au moment où il essayait de fuir en fait la Gestapo, oui, de traverser la frontière franco-espagnole, et très peu de temps avant que, refoulé par la police à la frontière, il ne décide de se suicider, parce que sans doute il était désespéré d'un côté peut-être, mais aussi parce que de l'autre il voulait échapper à l'arrestation et à la torture et à la mort. En 1940, je précise. Et alors, c'est 1940. Bon. Et donc, le texte a été préservé et il a été publié après la guerre par Hannah Arendt, qui en avait été là, qui l'avait reçu, à qui il avait été transmis et qui avait été elle-même l'amie très proche de Benjamin. Bon. Donc, c'est un texte qui se présente comme le commentaire d'un tableau de Paul Klee qui avait appartenu à Benjamin lui-même, qui est lui-même un tableau allégorique, évidemment, avec un fond messianique et kabbalistique en partie, bon, renvoyant à toute la tradition de la mystique juive et à l'interprétation de l'idée de la chute, hein, et de bon. Donc c'est un texte qui oppose au fond d'une façon très belle à la représentation moderne ou moderniste de l'histoire comme un progrès indéfini allant inévitablement, même si c'est à travers des détours, vers le mieux, la réalisation de l'esprit, comme on disait tout à l'heure, ou l'émancipation de l'humanité par rapport à toutes ses faiblesses et à toutes ses impuissances, une représentation à première vue radicalement pessimiste. Bon. Et je pense que dans son commentaire, Michael Levy a tout à fait raison d'opérer tout de suite une confrontation avec la grande idée hegelienne que j'avais moi-même essayé de discuter il y a quelques années dans un essai sur violence et civilité, qui fait de la destruction, en somme, le moyen indirect, la ruse de l'histoire, comme disait Hegel, au travers duquel se réalise le progrès de l'histoire. l'histoire de l'humanité. Comme si, si vous voulez, toute violence pouvait être convertie par l'histoire, par l'action des hommes, par une sorte de bon génie qui l'anime en une transformation positive, une négation de la négation, si vous voulez, etc. Bon. Il est évident qu'il y a beaucoup de ça aussi chez Marx, qui a écrit dans une formule très célèbre que la violence est la qui elle-même a un fond messianique, que la violence est l'accoucheuse de toute grande révolution historique qui transforme une société dans une autre supérieure et nouvelle. Bon, et donc ça veut dire que la violence est toujours la destruction est toujours convertible en progrès. Et c'est ce que Benjamin récuse absolument. Ouais. Je pense qu'il a tout à fait raison de le faire. Bon. Et alors ensuite. Il y a un autre aspect du texte, évidemment, que on pressent à travers l'allégorie de l'ange, mais qui n'émerge que plus tard dans le texte des thèses sur le concept d'histoire, et qui est lié à la conception elle-même messianique que Benjamin se faisait de la révolution. Bon, la révolution, c'est évidemment l'avènement d'une société idéale, en tout cas d'une société sans exploitation ni classe. Et en même temps, pour lui, c'est le retour à une sorte d'état de perfection de l'humanité qui a été irrémédiablement détruit par l'histoire. C'est pour ça qu'il y a dans le texte que vous avez lu réveiller les morts et rassembler ce qui fut brisé, ce qui fut brisé. Bon. Et c'est à ce moment-là que Benjamin introduit dans son texte une autre notion qui résonne très fortement avec nos interrogations d'aujourd'hui, qui est très difficile à traduire. En allemand, c'est le Jetztzeit. Alors, on peut gloser, paraphraser la chose, dire c'est le moment messianique, c'est le moment de l'arrivée du Messie, c'est-à-dire c'est le moment de l'inattendu, c'est le moment de la solution imprévisible et d'une certaine façon impossible à définir par avance, dans lequel tout ce qui a été perdu, en quelque sorte, par la violence de l'histoire, va se trouver d'un seul coup sauvé ou racheté, et qui est aussi pour Benjamin le moment dans lequel les vaincus de toute l'histoire de l'humanité trouveront d'une certaine façon leur rédemption. Bon, alors moi je suis pas je trouve ça magnifique. Bon, et je comprends très bien pourquoi ça résonne fortement date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, dans des circonstances dramatiques comme celles que nous vivons, ou même des circonstances qui risquent de devenir encore plus dramatiques que nous ne le sentons en ce moment. Et en même temps, je me pose avec Derrida, qui a été un autre de mes professeurs et dont je suis senti de plus en plus proche au cours des dernières années, la question de savoir comment on pourrait articuler quelque chose comme ce qu'il appelait un messianique sans messianisme, c'est-à-dire un appel à l'idée de la justice à venir ou de la société qui se sauve elle-même, qui ne repose pas directement sur une représentation aussi théologique, aussi profondément théologique de l'histoire et de la politique que celle qu'on trouve dans le texte de Benjamin. C'est peut-être la limite de ce texte si on essaye de l'appliquer aujourd'hui, c'est la perspective téléologique, c'est-à-dire qui laisse entendre que l'histoire suivrait une direction qui semble inappropriée. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas le fruit d'une intention. Emmanuel Macron disait il y a peu de temps « Nous sommes en guerre », ce à quoi certaines personnes, dont des philosophes d'ailleurs, disaient « Mais ce n'est pas une guerre, car quelqu'un n'a pas déclaré la guerre, c'est un virus qui s'attaque à nous, il n'y a pas d'intention ». Ce qui paraît très ironique, en revanche, on peut avoir une lecture benjaminienne qui consisterait à dire « Oui, mais ce virus vient détruire ce que nous on appelait le progrès, qui est en fait une forme de capitalisme qui devait tomber et s'effondrer de toute façon, et ainsi donner un sens à ce qui est en train d'arriver ». Mais c'est très délicat comme manière de procéder. Bon, effectivement, je serais content qu'on en reparle un petit peu. Mais avant, si vous voulez bien, je vais ajouter un mot à propos de Benjamin et de la question de la téléologie que vous venez d'évoquer. Alors, je sais bien, tout ça, ce sont des notions un peu, je dis pas subtiles, c'est des notions pour tout le monde, mais c'est des notions un peu abstraites ou qui peuvent paraître scolastiques. Bon, je parlais de Derrida tout à l'heure. Et ici, je ne peux pas ne pas me souvenir du fait qu'il y a des années de ça maintenant, quand Derrida avait publié ce livre très beau et très important, qui a marqué son moment, qui s'appelle « Spectre de Marx », il avait engagé, à sa façon très caractéristique, c'est-à-dire très soft en apparence, mais en réalité assez brutale et assez intransigeante, une controverse avec les lecteurs récents de Marx. Alors, ça voulait dire Althusser et le groupe autour de lui dont je faisais partie, autour de ce qu'il considérait comme la confusion caractéristique entre le problème de la téléologie et le problème de l'eschatologie. Alors, pour dire les choses simplement, la téléologie, c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une intention. Bon, c'est évidemment, cette intention devient impersonnelle, c'est l'histoire de l'humanité elle-même qui réalise sa propre intention. Ça veut dire aussi évidemment que l'avenir est conçu comme un dépassement du présent qui s'inscrit dans sa propre continuité, dans sa propre perspective. Bon. Alors le texte de Benjamin n'est pas du tout téléologique dans ce sens-là, si vous voulez. Il est même complètement dirigé à l'opposé de cette représentation. Ça fait partie, au fond, le progrès n'est qu'une variante de téléologie, elles sont toutes condamnables. En revanche, c'est un texte profondément eschatologique, c'est un texte dans lequel l'idée du salut et la représentation de la fin de l'histoire, en particulier la représentation de la fin de l'histoire comme moment catastrophique ou apocalyptique, est absolument dominante. Et c'est exactement ça que j'entends, encore une fois, je n'y mets aucune ironie, a fortiori aucun mépris, dans les discours auxquels vous faisiez allusion, c'est-à-dire ceux qui nous expliquent que nous sommes en train de vivre non seulement le moment dans lequel le capitalisme ou une certaine civilisation technologique s'effondre sur elle-même, mais aussi par voie de conséquence, inévitablement, le moment dans lequel une sorte de rédemption ou de salut est susceptible de surgir, évidemment comme quelque chose d'inattendu et dont nous ne sommes pas totalement en mesure de connaître le contenu. Bon, et alors probablement de ce point de vue, moi je suis je suis pas positiviste, je pense pas l'être. Bon, mais j'essaie d'être politique dans un sens plus réaliste du terme, c'est-à-dire je me demande quelle serait l'alternative à la fois à la téléologie et à l'apocalypse ou à l'eschatologie. Et il me semble. Mais est-ce que ce serait pas la politique justement, oui, comprise comme une manière de réinvestir l'action humaine, sans parler de salut, peut-être que une manière de sauver la situation, c'est aussi de savoir comment orienter nos choix, y compris politiquement, de manière à y inclure tout le monde. Alors, oui, tout à fait. Bon, alors. Au fond, vous décriviez le discours du président de la République tout à l'heure. Bon, ça pose d'abord la question de savoir quelle doctrine de l'action on a. Bon, alors, si on se représente l'action politique dans une situation actuelle comme une action guerrière, il y a des côtés qu'on ne peut pas contester à certains égards, c'est-à-dire l'idée qu'il faut une sorte de mobilisation de toutes les forces de la société, ou bien l'idée qu'il faut opposer, ça c'est évidemment le plus intéressant et le plus risqué, parce qu'il va être obligé lui-même de rendre compte de la façon dont il interprète son propre discours, l'idée que les logiques économiques, et en particulier les logiques des marchés financiers raison d'être absolue du fonctionnement de l'économie, doivent être suspendues pour faire place à un tout autre type de logique. Bon. D'un autre côté, évidemment, ce qui manque complètement dans le schéma de la guerre ou de la stratégie entendue en ce sens-là, c'est ce que vous appeliez tout à l'heure « tout le monde ». C'est-à-dire, c'est la question de savoir comment les citoyens que nous sommes sont acteurs, parties prenantes de cette bifurcation, je dirais, ou de cette grande alternative qui commence à se présenter devant nous et dont les termes vont se dessiner peu à peu de façon de plus en plus incontournable. Évidemment, ce qui ne va pas dans le mode modèle de la guerre de ce point de vue, c'est que la guerre est organisée par un état-major et que la fonction fondamentale des citoyens à cet égard, c'est d'obéir ou en tout cas de faire preuve de discipline, pour ne pas dire de patriotisme. Et là, on touche la limite absolue de cette conception. Mais qu'est-ce qu'on lui substitue ? C'est le grand oui. problème. Bon, alors on lui substitue pas la prédication révolutionnaire, on lui substitue pas la dénonciation infantile de ce que fait l'État ou de ce que font les gouvernements au jour le jour, en partant de l'idée que comme ils sont largement responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons, il faut surtout pas cesser de les prendre à la gorge. Ça, c'est du parlementarisme inversé ou transformé en guérilla politique. Bon, en même temps, évidemment, je pense qu'il y a deux exigences tout à fait fondamentales. Premièrement, celle de la discussion, du débat. L'importance des services publics est au premier plan des réflexions d'aujourd'hui, et à juste titre, il faut que l'importance de la sphère publique ou de la place publique soit tout aussi grande. Et évidemment, c'est particulièrement difficile quand on est séparés les uns des autres et qu'on ne peut pas se voir ou se concerter. Et puis d'autre part, il faut se demander quel est le type de société ou d'organisation sociale dont nous pensons qu'il est susceptible à la fois de prévenir dans toute la mesure du possible ce type de catastrophe et surtout de remédier à ce qui est le plus frappant. En tout cas, moi, ça me frappe de façon quotidienne et que ça m'empêche de dormir, mais enfin j'y pense quand même beaucoup, c'est-à-dire le fait que la pandémie ou la crise sanitaire ne frappe pas tout le monde de la même façon et que par conséquent il y a des injustices, des exclusions et même à la limite, à la marge des processus d'élimination sociale dont le caractère insupportable et à la limite invivable nous saute à la figure dans une situation de ce genre, de sorte que la question ne pourra plus jamais, je l'espère en tout cas dans l'immédiat, être enterré au profit de logiques technocratiques. Et précisément, ce que nous sommes en train de vivre reconfigure, voire redéfinit le rôle que nous attribuons à ce qui nous permettait de vivre ensemble jusque-là. Vous avez beaucoup travaillé, Étienne Balibar, sur la question de l'État, sur la question des frontières. Le virus, aujourd'hui, ne connaît pas ses frontières. Celles-ci se dématérialisent et se rematérialisent. Chacun confiné chez soi fait l'expérience des murs qui eux-mêmes deviennent comme des frontières matérielles que nous ne pouvons pas franchir. Comment est-ce que dans ce contexte-là, enfin à quelle échelle est-ce qu'il faut se situer pour affronter ces problèmes qui sont vitaux ? Est-ce que c'est l'échelle étatique justement ? Est-ce que c'est l'échelle européenne ? Comment est-ce qu'on redéfinit ici ? Comment est-ce qu'on redistribue la façon qu'a la politique, mais pas seulement, la façon qu'a ceux qui peuvent nous venir en aide de parvenir jusqu'à nous ? L'échelle change. Alors, au début de notre discussion, on a cherché quelles étaient les notions ou les termes auxquels il fallait essayer, sans attendre, en prenant le risque de se tromper, etc., d'appliquer une enquête philosophique ou de façon conceptuelle. Bon, on a dit en particulier la crise. Bon, et puis avec la crise est arrivée l'histoire, le temps et même la civilisation. Bon, alors maintenant, je pense que vous en introduisez une autre qui est tout aussi fondamentale et qui semble plus matérielle ou plus concrète à certains égards, bien qu'en réalité ça soit indissociable, qui est l'État. Alors, un des discours qu'on entend le plus en ce moment, c'est le discours qui porte sur le retour de l'État. Et on l'entend soit dans un sens positif, soit dans un sens critique et négatif. Le sens positif, c'est le néolibéralisme nous a embarqués depuis déjà non seulement des années, mais quelques décennies, dans une dévalorisation croissante de l'État. Et on pense, et de l'action publique, donc pense aussi évidemment au démantèlement de toutes sortes de services publics dont on est en train de payer le prix aujourd'hui, auxquels on est en train d'essayer de faire face tant bien que mal avec les moyens du bord. Mais on pense aussi évidemment à la souveraineté, à l'exercice de l'autorité publique en face de la toute-puissance des marchés. Bon. Et puis de l'autre côté, on nous explique, alors c'est un discours d'économiste, par exemple, il va falloir inventer un nouveau keynésianisme, un nouveau contrepoids étatique à la toute-puissance des marchés financiers, etc. Et d'autant plus que les marchés financiers vont se trouver submergés par des milliards de dettes dont il n'y a pas pour l'instant la moindre idée de la façon dont on va les gérer. Bon. Et puis alors il y a l'autre aspect qui est l'aspect inverse tout aussi insistant qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que l'État revient dans la forme la pire, la plus inquiétante, la plus meurtrière à certains égards, c'est-à-dire le nationalisme, l'autoritarisme, les frontières, le bouclage des frontières font partie de cette représentation. Si on avait besoin d'une loupe grossissante pour montrer à quoi on pense, il suffit de prendre les discours du président Trump les uns après les autres quand il explique que le remède contre le virus est la fermeture des frontières américaines, de la même façon qu'il expliquait auparavant qu'il fallait fermer les frontières américano-mexicaines pour se protéger d'armées ou de hordes de migrants et de réfugiés qui essayaient d'entrer aux États-Unis. Il procurait une version caricaturale, mais au fond très, très caractéristique de ce nationalisme. On a l'équivalent en Europe, hein. On a M. Orban. Mais donc, alors, précisément, à quelle échelle faut-il penser l'après ? Si c'est pas à l'échelle étatique, si c'est pas à l'échelle d'un continent, à quelle échelle faut-il le penser cet après ? Et justement, je m'excuse, j'ai dû paraître confus aux auditeurs parce que je suis parti dans deux directions à la fois, mais ce que je pense très sérieusement, c'est qu'il faut se redemander ce que c'est que l'État, si vous voulez. Alors, le terme de souveraineté catalyse ou cristallise une certaine représentation de l'État qui est à la fois juridique et politique et philosophique, qui est aussi ancienne non seulement que l'État moderne, mais que les monarchies médiévales et peut-être même encore plus ancien que ça, qui est entièrement centré sur ce que Max Weber a appelé le monopole de l'exercice de la violence au sens le plus large du terme, hein, ou si vous voulez. Violence légitime, disait-il, oui. Violence légitime, c'est-à-dire, mais violence légitime, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est la violence qui dispose en même temps des moyens juridiques de se justifier en permanence à ses propres yeux et aux yeux des citoyens, ce qui ne veut pas dire qu'elle puisse le faire de façon totalement arbitraire. Bon, alors cette représentation-là de l'État, si vous voulez, concentre la puissance de l'État en un lieu unique qui est la pointe de l'administration, qui est le gouvernement et qui est éventuellement la personne ou le groupe de personnes qui dispose par élection ou par un autre mécanisme de la possibilité de mettre en œuvre la puissance concentrée de l'État. C'est Hobbes, quoi. C'est le Léviathan et son chef. Bon. Évidemment, ça entraîne toutes les conséquences que nous savons, c'est-à-dire que il y a des circonstances où il y a des gens pour qui c'est incontestable, et il y en a d'autres, au contraire, qui ne cessent de se poser la question de savoir si les détenteurs supposés de l'autorité de l'État sont véritablement capables d'exercer la fonction qui s'attribue. Hein, d'autant plus qu'il est évident qu'elle comporte des bénéfices narcissiques tout à fait considérables pour ceux qui l'exercent. Bon. Alors, pour vous, c'est de repenser le rôle de l'État, c'est ça ? Je me permets de vous interrompre parce qu'il ne reste plus qu'une minute, donc je voudrais qu'on aille au fond de votre proposition. L'urgence, si vous voulez, alors, puisqu'il ne reste plus qu'une minute, je veux dire, l'urgence, c'est d'une part de restaurer et de réinventer une conception large de l'État, celle de Gramsci, si vous voulez, celle qui n'est pas centrée sur la souveraineté, mais qui est centrée sur toutes les fonctions d'organisation et de hiérarchisation à l'intérieur de la société,